Chapitre 5e. Sa fille se tenait au soleil près de la fenêtre. Grande, délicate et exquise, ses traits et sa silhouette rappelaient ceux de sa mère, mais en plus frêle, plus doux, plus délicat. La lumière dorée frappait une moitié de sa figure distinguée, expressive, éclairait ses cheveux blancs enroulés en torsades épaisses, et une teinte rosée enveloppait son costume ajusté de drap fauve orné de garnitures cannelle. Une petite collerette molle entourait sa gorge. Son cou blanc, gracieux et sa tête bien plantée en sortaient comme un lys de la mousse. Ses petites mains blanches étaient jointes et ses yeux bleus tournés vers sa mère d'un air suppliant. « Sotte fille !»« Sotte fille !» dit la mère répondant à un regard qui l'implorait. Elle posa ses mains sur les épaules de sa fille et la tira vers elle. « C'est une très belle position pour débuter, et il aura le pied à l'étrier. Mais maman, dans une semaine, pauvre Arthur !» Il sera heureux. Quoi, heureux de notre séparation? Il n'y a pas besoin de se séparer, faut partir avec lui. Oh, maman! Oui, je vous le dis. Oh, maman, dans une semaine? Certainement, on peut faire beaucoup de choses en une semaine. Je vais commander votre trousseau aujourd'hui. Oh, chérie, doux ange, mais j'ai si peur. Et papa, oh, cher, j'ai si peur. Votre père est un diplomate, ma chérie. Oui, maman. Mais entre nous, il s'est marié à une autre diplomate. S'il peut diriger l'Empire britannique, je pense que je peux le diriger, lui, Ida. Combien de temps y a-t-il que vous êtes fiancée, mon enfant? 6 semaines, maman. Alors il est tout à fait temps d'arriver à une solution. Lord Arthur ne peut quitter l'Angleterre sans vous. Vous devez aller à Tanger comme femme du ministre. Vous allez vous asseoir là, sur ce canapé, et me laisser conduire les choses. Voilà la voiture de Sir William. Je crois que je sais comment m'y prendre avec lui. James, prie le docteur de monter jusqu'ici.